Chapitre 18e. Le 6 novembre, un officier prussien sonna la grille de la villa, demandant à parler à M. de Mulset pour une communication importante. Il fut introduit. Julien le reçut au salon. « Monsieur, dit l'officier, qui s'exprimait fort bien en français, je suis chargé de vous remettre un sauf-conduit pour vous, pour Mademoiselle Ripert et pour vos gens. Veuillez me dire si vous désirez en profiter. » « J'accepte avec empressement, répondit Julien, et avec reconnaissance. Puis-je vous demander s'il y a un armistice ? Il y a eu des négociations. Malheureusement, elles n'ont pas abouti. Il m'est impossible de vous donner des détails que vous apprendrez certainement bientôt. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le gouvernement de la Défense nationale a émis des prétentions inacceptables et que d'ailleurs une émeute a éclaté à Paris le 31 octobre. Julien baissa la tête. Il se sentait humilié en présence de l'ennemi victorieux. Bien que l'officier prussien fût très poli, le Français était honteux de tenir de lui de tristes nouvelles. « Veuillez me dire, monsieur, quand et par quelle voie nous pourrons sortir ?»« La nuit prochaine, à 3 heures, une escouade viendra vous prendre et vous conduira à Sèvres. Vous passerez la Seine en bateau, à l'endroit où se trouvait autrefois le pont, et vous serez remis à la garde d'une escouade de Français qui vous accompagnera à la Légation suisse. Rendez-vous général. » Le départ de Paris des personnes qui, comme vous, ont l'autorisation de s'éloigner aura lieu à 5 heures. L'officier sortira. Julien, muni du sauf-conduit, le reconduisit jusqu'à la porte de la grille, fidèle aux traditions de la politesse française. Quand il rentra dans la maison, Mélanie l'attendait. « Nous allons être délivrés, lui dit-il presque gaiement. « Hein ? » fit-elle et sa physionomie s'assombrit. « Comme vous me dites cela, je croyais que ce serait une grande joie pour vous d'abandonner votre prison. Je m'y étais habitué, mais puisque vous êtes heureux de partir, je ferai ce que vous voulez. Ma chère Mélanie, vous vous êtes assez sacrifiée pour moi. Je serais un ingrat si je n'accueillais pas avec joie la délivrance que nous procure notre généreux ami Arnold Barthes, car c'est lui certainement qui nous envoie le sauf-conduit. » Mélanie leva sur Julien ses beaux yeux attendris qui disaient clairement « Ici, vous étiez à moi tout entier. Ici était le bonheur. Nous allons à l'inconnu. J'ai peur. » Julien fut troublé par cette muette déclaration. Il attira la jeune fille sur son cœur. Ils échangèrent leur premier baiser. Julien tressaillit jusqu'au plus profond de son être. Partir lui parut à ce moment une impérieuse nécessité. Il se dégagea doucement de l'étreinte de Mélanie et d'une voix tremblante. « Ami, le bonheur est dans le devoir. » Et dans... Elle n'acheva pas. Elle n'osa pas prononcer le mot qui remplissait son cœur. La jeune fille s'était enfuie toute honteuse. Julien l'entendit bientôt qui appelait Miette et les autres serviteurs et leur donnait avis du départ. Il intervint pour faire connaître les détails et chacun se prépara. Ce ne fut pas long. Il fallait se borner au strict nécessaire et même à l'indispensable, un petit paquet à porter à la main. Le reste de la journée fut employé par les jeunes gens à faire un voyage de souvenirs dans la villa, à revivre leur vie depuis 3 mois, à recommencer pour la 100e fois leur projet d'avenir. La nuit venue, Julien exigea que tout le monde prît du repos. Il se mit au lit, mais pas plus que Mélanie, il ne put fermer les yeux. À 2 heures du matin, il était habillé, prêt à partir. Il réveilla les gens de la villa, fit préparer à déjeuner, et tout étant en règle, alla frapper à la porte de Mélanie. Cette porte était entrebâillée. Une traînée de lumière passait, rayant d'un fil de feu les ténèbres. Julien ne put résister à la tentation de regarder ce que faisait la jeune fille. Il la vit agenouillée, priant avec ferveur. Mû par un sentiment indéfinissable, il se glissa dans la chambre et s'agenouillant à côté d'elle. « Mon Dieu ! Donnez-nous le courage d'affronter les périls et faites-nous la grâce d'en triompher. « Mon Dieu, reprit-elle, donnez-moi la force d'accomplir mon devoir. » Leurs mains s'étaient instinctivement rapprochées. Ils se levèrent d'un même mouvement. Silencieux et grave, ils sortirent, saluant d'un adieu attendri ces murs témoins de la régénération d'une âme. À 3 heures précises, les soldats allemands arrivaient à la villa. Tous les habitants étaient prêts à partir. Ils avaient pris le dernier repas en commun. Le serviteur suisse servait d'interprète. Miette éteignit tous les feux, ferma toutes les fenêtres, toutes les portes. La petite troupe s'éloigna. Mélanie donnait le bras à Julien. L'un et l'autre se retournèrent plusieurs fois essayant d'apercevoir dans la nuit la maison où ils laissaient une bonne part de leur cœur. La nuit restait impénétrable. Le silence n'était troublé de loin en loin que par l'appel des sentinelles, dont l'attention était attirée par les lanternes que les soldats portaient au bout de leurs fusils en guise de drapeau parlementaire. On avait épargné aux voyageurs la fatigue et la honte de leur bander les yeux, ce qui eût été absolument inutile, l'obscurité étant aussi profonde que possible. Il ne se produisit au surplus aucun incident notable. Le voyage s'accomplit comme l'avait annoncé l'officier prussien. Ce furent des bateliers français qui reçurent les voyageurs au pont de Sèvres et les portèrent de l'autre côté de la Seine. Là, ils se retrouvèrent en France. Arnold Barthes les attendait. Il embrassa avec effusion Julien, Mélanie et son compatriote. Il serra les mains de Miette et de Joseph. À la lueur tremblotante des torches, il examina Julien et, lui trouvant bonne figure, le félicita sincèrement. « Car, ajouta-t-il, vous allez entreprendre un voyage bien pénible, moralement et physiquement. J'ai un fourgon pour vous faire traverser Paris et vous conduire aux avant-postes, mais après... »« J'ai du courage, » dit Julien, « et j'espère ne pas manquer de force. » « Mais vous, ne profitez-vous pas ?»« Non, je reste à mon poste. La légation suisse a rendu et peut rendre encore des services. »« Et Monsieur Bonenfant ?»« Il a tenu à ne pas partir. »« Et le docteur ?»« Il est chirurgien-major. »« Pourrons-nous du moins les embrasser ?»« Oui, ils vous attendent à la légation. » Ils montèrent tous dans le fourgon des ambulances que le Suisse avait amené et se dirigèrent vers la rue Blanche où se trouvait la légation. En route, Arnold Barthes raconta à Julien ce qui s'était passé depuis l'envahissement. Il dit les efforts sérieux de la défense, le voyage entrepris par M. Thiers à travers l'Europe pour obtenir une intervention des puissances, ses négociations à Versailles avec M. de Bismarck, les préliminaires de l'armistice rompus à la suite de l'émeute du 31 octobre dirigée contre la paix ressentie. « Le seul avantage des tentatives de paix que nous ayons recueillies, dit-il, ça a été d'obtenir pour un certain nombre de personnes la possibilité de sortir de Paris. Vous pensez bien que je n'ai eu garde de vous oublier, espérant que vous étiez assez bien guéri pour supporter une grande fatigue. J'ai été assez heureux pour avoir 4 sauf-conduits à votre usage. Je garde seulement mon compatriote. Tu ne m'en veux pas, ajouta-t-il en s'adressant à celui-ci. Le serviteur suisse était un de ces montagnards au dévouement passif qui se trouvent bien partout où on les met. Arnold Barthes, si réservé, si froid d'habitude, eut pendant toute la traversée de Paris une verve intarissable, d'autant plus extraordinaire que le fourgon était plongé dans l'obscurité, circonstance défavorable entre toutes au narrateur privé de l'excitant des regards attentifs. Un seul fanal, placé à l'avant, servait au conducteur à se diriger dans la ville, privée de gaz depuis longtemps. C'était lugubre, ce n'était pas encore terrifiant. Les voyageurs arrivèrent enfin à l'hôtel de la Légation suisse. Une centaine de personnes s'y trouvaient déjà réunies, parmi lesquelles le docteur et Bonenfant. Avec quelle joie ils retrouvèrent leurs amis, ceux-là seuls qui ont subi le siège peuvent le comprendre. Les sentiments affectueux avaient acquis une intensité passionnelle si forte que les plus sceptiques s'abandonnaient à des manifestations qu'ils eussent trouvées ridicules 3 mois auparavant. Le docteur riait et pleurait à la fois tout autant que Bonenfant. Ils accablaient Julien et Mélanie de questions, sans attendre leurs réponses. Ils les embrassaient, leur prenaient les mains, les embrassaient encore. Du choc de ces sentiments, des protestations d'amitié, des remarques, se dégagea pour Julien une indication futile en apparence mais fort importante. « Tu as gardé ta barbe !» s'était écrié Sextus Bonenfant. Et lui ayant pris la tête à deux mains, il avait examiné avec attendrissement comme il le fait d'un enfant, puis « Tu as eu une excellente idée, et parce que la barbe te sied très bien, et parce qu'elle modifie complètement ta physionomie. Il est bon que Mme Ripert ne puisse pas te reconnaître tout de suite. » En réalité, Julien, habitué à porter la moustache, coquet même pour cet ornement soigneux, avait été contrarié quand il s'était vu le visage encadré dans une barbe noire. Mais on avait oublié de lui apporter ses rasoirs, et il l'avait gardé provisoirement. Mélanie ne s'en était pas préoccupée. L'observation de Bonenfant attira son attention. Elle regarda Julien à ce point de vue et lui dit à mi-voix « C'est que vraiment la barbe vous va fort bien. » Les rasoirs étaient dès lors condamnés à l'inaction. Lorsque le signal du départ fut donné, Il fallut l'intervention d'Arnold Barth pour mettre fin aux embrassements, pour obliger Bonenfant et le docteur à s'éloigner. Le jeune diplomate reprit sa place dans le fourgon. Il était l'un des parlementaires chargés de conduire la caravane jusqu'aux avant-postes prussiens. Le convoi se dirigea vers l'est et sortit de Paris par la porte de Charenton. Avec le jour, les voyageurs commencèrent leur lamentable odyssée. La ville de Créteil leur offrit le tableau de la désolation, des rues vides, des maisons abandonnées, sans rideaux aux fenêtres, en plein hiver. C'est à Bonneuil que se trouvaient les avant-postes ennemis. Les parlementaires se détachèrent, précédés du drapeau blanc. Le clairon sonna, et bientôt apparut le drapeau blanc prussien. Alors tout le monde mit pied à terre. Les fourgons et les voitures furent laissés en arrière. Les émigrants formaient un petit peloton. Les officiers prussiens passèrent une revue rapide, affectant un ton rogue et insolent. Ils remirent à chacun, en échange du sien, un sauf-conduit sur un chiffon de papier, donnèrent l'ordre à ceux qui ne partaient pas et même aux parlementaires de se retirer, leur laissant à peine le temps de faire les adieux, et poussèrent la petite troupe vers le sud, sur la route de Bâle. Ainsi s'opéra cette sortie, dont les Allemands se vantent comme d'un acte de haute courtoisie. Les voyageurs, cependant, étaient fort embarrassés. Ils allèrent jusqu'à Boissy-Saint-Léger, espérant s'y procurer des voitures. Boissy était entièrement occupé par les Prussiens. Toutes les maisons étaient transformées en casernes. Sur le passage de la petite troupe de Français, les soldats se mettaient aux fenêtres et se moquaient de leur attitude plus que modeste. La plupart étaient résignés. Ayant souffert à Paris de froid et de privation, ayant suivi les négociations de l'armistice, ils connaissaient les exigences de l'ennemi. Julien n'était nullement préparé à supporter ces bravades. Sa fierté se révoltait, il trépignait de colère. Mélanie s'attachait désespérément à lui et le suppliait de se contenir. Heureusement pour lui, il ne connaissait pas un mot d'allemand, sans quoi il se fût laissé aller à quelque déplorable riposte. Les soldats ne se gênaient pas pour lancer d'atroces plaisanteries et d'ignobles accusations contre ce jeune homme accompagné d'une aussi jolie femme. Boissy-Saint-Léger, n'offrant aucune ressource, en poussa jusqu'à Brie-Comte-Robert, capitale du fromage de Brie. Partout sur la route, la dévastation. Des quelques fermes encore habitées, sortaient des paysans curieux de voir passer des êtres humains en costume bourgeois et n'ayant pas l'affreux casque à paratonnerre des Prussiens. Mais comme s'ils avaient peur que cette curiosité leur fût imputée à crime, ils se renfermaient aussitôt. Les voyageurs arrivaient à Brie-Comte-Robert fort tard dans l'après-midi. Depuis 12 heures, ni Julien ni Mélanie n'avaient rien mangé. Miette et Joseph avaient eu la précaution d'emporter quelques provisions, mais leur maître avait refusé d'y toucher. Julien était trop courroucé, Mélanie trop inquiète de le voir ainsi. La fatigue la dompta quelque peu. Brie avait conservé un assez grand nombre de ses habitants, entre autres le maire, auquel les émigrants s'adressèrent, et qui leur indiqua une auberge où ils purent se servir un copieux repas. La base en fut le fromage. Les assiégés, qui depuis 3 semaines n'avaient mangé ni beurre ni fromage, se délectaient. Julien et Mélanie trouvaient que c'était un maigre régal, mais nécessité devient vertu. Au moment de se séparer pour prendre un peu de repos, Julien dit à la jeune fille « Vous aviez raison, mon ami. Il eût beaucoup mieux valu rester à Ville-d'Avray. » En exprimant ce regret, il ne savait pas jusqu'à quel point il disait vrai.